Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette séance du séminaire. Alors ce soir, nous recevons Baptiste Gilles, qui est chercheur postdoctorant au musée du Quai Branly. Il est spécialiste des saliches de la côte nord-ouest du Canada. Et donc merci beaucoup à Baptiste d'avoir accepté notre invitation au séminaire. Ce soir, il va nous parler de la question des identifications totémiques chez les Saliches de la côte nord-ouest. Baptiste est un chercheur en anthropologie, mais qui vient de la philosophie, donc qui s'inscrit tout particulièrement dans le thème de ce séminaire à cheval entre philosophie et anthropologie. Donc je vais tout de suite lui céder la parole pour qu'il puisse faire son intervention. Merci Daphné, merci à tous d'être venus. Donc moi je vais essayer de vous présenter quelques données que j'ai pu avoir sur mon terrain et de voir, d'essayer de réfléchir. C'est un travail qui est en cours, donc c'est en train de se faire à ce qu'on pourrait appeler un totémisme en discussion avec ce que Descola peut appeler un totémisme, enfin une ontologie totémique. Donc je vais vous présenter un peu la région et les gens auxquels je vais faire allusion. Donc on se trouve sur la côte nord-ouest du Canada, dans le sud du Canada, l'île de Vancouver qui est ici. Et vous avez Vancouver, la ville qui est juste ici, et vous avez un certain nombre de populations qui sont regroupées sous le nom de Saliches côtiers, donc, ou Saliches de la côte, qui sont des groupes qui font partie de la côte nord-ouest, des groupes de la côte, qu'on appelle les groupes de la côte nord-ouest. Je vous ai juste mis quelques images pour que vous ayez une idée du genre de paysage que l'on a. Donc, c'est des sortes de mers, de forêts qui plongent dans l'océan Pacifique, c'est assez joli. Donc de nos jours, de nombreux autochtones saliches, habitant le long de la côte pacifique de la région de Vancouver, continuent d'entretenir, à côté de leur insertion dans la vie socio-économique nord-américaine, un rapport particulier aux traditions de leurs ancêtres. Certains schèmes de rapport au monde, que l'on pourrait qualifier de totémiques, continuent de subsister en parallèle, ou parfois contre, le mode de vie dominant de la société des Blancs, descendants des colons euro-américains. Notamment, nombreux autochtones peuvent affirmer qu'ils maintiennent un rapport privé avec une entité non humaine surnaturelle, souvent une espèce animale de la région. L'objectif du présent article est d'analyser les différentes modalités de cette identification à un non-humain protecteur et les structures de relations qu'elles entraînent. Donc souvent, comme nous allons voir, c'est une relation qui est intime et qui souffre d'être trop explicitée. Lorsqu'on cherche à l'éclaircir plus avant, elle s'exprime avec précaution à travers des hésitations, des incertitudes foncières, mais pourtant certaines formes d'indécision et d'hésitation quant à la nature de l'entité surnaturelle ou la relation adéquate à adopter avec elle reviennent de manière récurrente. Certains flottements, certains schèmes explicatifs sont davantage convoqués. Donc ce présent travail part donc de l'idée que loin d'être secondaire et périphérique, les tâtonnements pour essayer de construire sa relation avec l'entité surnaturelle, ces embarras réitérés quant à la nature de l'entité surnaturelle expriment au mieux le totémisme, c'est-à-dire la pluralité possible de rapports concevables entre un humain et une entité surnaturelle non humaine. Il s'agit donc de mettre en lumière ce que pourrait être nommé un complexe totémique, c'est-à-dire une structure souple, flottante, qui permet plusieurs groupes de rapports cohérents et possibles avec les entités surnaturelles, et qui sont actualisés plus ou moins selon les individus. Donc, les positions d'hésitation et d'indécision quant à la nature de l'entité surnaturelle protectrice, aussi souvent, comme nous allons le voir, comme je vais essayer de le montrer au papier, entre filiation et alliance, c'est-à-dire est-ce que c'est un parent ou est-ce que c'est un ami, l'entité surnaturelle. Entre l'idée que l'humain surnaturel participe de propriétés extérieures au soi, c'est pas moi, c'est un non-humain surnaturel, mais qu'en même temps il y a des propriétés essentielles du soi, c'est-à-dire qu'il est un peu de moi aussi. Donc je vais regarder tous les types de combinaisons que j'ai pu rencontrer sur mon terrain, donc un terrain dont je vais parler et qui s'est déroulé en 2008 et 2009, et je vais essayer de mettre en place une structure cohérente de rapport. Donc mon exposé va se dérouler en trois temps. Dans le premier temps, je vais essayer d'analyser toutes les modalités d'énonciation de ce que j'ai pu rencontrer, des modes d'énonciation de comment l'on parle des entités surnaturelles, comment on s'exprime quand on doit parler du sacré et du surnaturel. Dans une deuxième partie, j'analyserai les formes totémiques que j'ai pu rencontrer, c'est-à-dire les différents types de rapports aux entités surnaturelles qu'on a pu me donner. Et enfin, dans une troisième partie, j'essaierai de construire cet objet particulier que j'appelle un complexe totémique, c'est-à-dire un ensemble de relations plus ou moins incertaines et indécises, mais assez cohérentes aux entités surnaturelles. Voilà, donc j'ai cette idée d'un complexe totémique. Alors, parler de l'expérience du surnaturel de nos jours chez les Salish côtiers. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est que je me trouvais un soir sur le territoire des Salish centraux de la côte, sur la réserve de Coldwater, donc c'est un peu au nord, nord-est de Vancouver, nord-est de Vancouver, vers la ville de Merritt. Et je devais rencontrer un ancien, donc les anciens on appelle ça des elders, qui me le demandait, des intentions qui me poussaient à vouloir continuer ma participation à un certain nombre de rituels. De rituels, des burning, c'est-à-dire des rituels de deuil, des rituels d'offrande à des ancêtres. Et je formulais avec embarras l'idée que j'étais peut-être seulement curieux de connaître la nature des entités surnaturelles auxquelles il faisait souvent référence, cet ancien, et vers lesquelles les rituels devaient conduire. Alors là, l'ancien laissa un temps de silence et sembla choisir ses mots. Puis il me répondit calmement que cette attitude n'était pas forcément saine, car le monde des forces surnaturelles est particulièrement dangereux. Il me dit, on ne peut vouloir y aller par curiosité. C'est un monde terrifiant, il faut y aller pour chercher quelque chose. La route est longue pour s'y préparer. Alors ce qui me marqua d'abord dans la manifestation de ces conseils de l'ancien, c'est qu'ils avaient revêtu tout de suite un caractère grave. Si au quotidien j'avais pu l'entendre parler de sujets parfois profonds avec humour et légèreté, j'avais aussi pu remarquer que tous ces comptes rendus sur l'expérience sincère du surnaturel étaient entourés d'une sorte d'aura de solennité. D'une manière générale, à chaque fois qu'ils me parlaient de l'expérience du surnaturel qu'ils avaient pu avoir ou qu'ils y faisaient allusion, c'était entouré d'un certain nombre de brouillages, des marqueurs énonciatifs des marqueurs énonciatifs qui normalement au quotidien tentent de désambiguiser le contenu d'un message. Alors c'est une idée de Sperber et de Wilson que dans la communication ordinaire, pour se rendre pertinent, à chaque fois on utilise des mécanismes de désambiguation des contenus, des messages qu'on essaie de donner. Or là, comme je viens de le dire, comme dans l'exemple que je viens de citer, il y a pas mal de déictiques vides, c'est-à-dire que le mot y aller, y chercher quelque chose, la route est longue pour s'y préparer. À chaque fois, on ne sait pas à quoi renvoie cette expérience, et le locuteur crée une sorte d'halo de mystère, ce qui est très très courant dès qu'on commence à parler des entités surnaturelles chez les Salish côtiers. Donc, cela n'est pas nouveau. Que les entités surnaturelles ont toujours occupé une grande place dans l'organisation de la vie sociale des Salish. Les premières études ethnographiques rappellent que les Salish ont toujours été peu loquaces quand il s'agissait de parler des entités surnaturelles, notamment parce que ces dernières ont toujours été soumises à des tabous et à des droits de propriété. Et que quand on possédait une entité surnaturelle, on ne pouvait pas en parler comme ça, de peur qu'elle se fasse voler ou qu'il y ait un rapport inauthentique d'une autre personne qui se crée avec elle. Aujourd'hui, il est encore dit que parler d'une entité surnaturelle, c'est convoquer son pouvoir. Ce dernier pouvant se faire voler ou diminuer à force d'être mobilisé sans raison. Alors je vous cite pour un témoignage contemporain de cette idée, un grand leader culturel Salish qui dit dans un entretien récent avec un ethnologue de l'Université British Columbia, Colombie-Britannique qui s'appelle Bruce Miller, il écrit « Si quelque chose de spécial nous arrive, nous n'avons pas le droit d'en parler. Comme par exemple une rencontre avec le Sasquatch. Le Sasquatch, c'est une sorte de Yeti, de Bigfoot qui traîne dans les forêts autour de Vancouver. C'est pour cela que beaucoup d'Autochtones ne partagent pas leurs histoires de rencontres avec le Sasquatch, parce qu'on nous apprend que c'est quelque chose de spécial, et que ce n'est pas quelque chose dont on parle. Si tu en parles trop, cela perd son pouvoir. » Donc là encore, il y a une référence à des déictiques qui mettent une sorte de halo de mystère autour de les 100 expériences, qui sont quelque chose de spécial, quelque chose répété deux fois, en parler, cela perd de son pouvoir. Donc, si les anciens restent souvent évasifs concernant leur expérience intime du surnaturel, chez les Salish côtiers en général, il y a d'autres manières aussi de noyer la relation intime qu'on en a avec une entité surnaturelle, qui est très courante, qui consiste à en parler dans des termes très New Age. Donc en parler beaucoup, non pas pour dire grand-chose au final, dire des choses qui se passent de partout, qui passent partout. Ça m'est arrivé beaucoup de fois, lorsque je faisais des rituels de sudation, donc les cérémonies de sudation, c'est des cérémonies dans des tentes closes où beaucoup de participants chantent avec des tambours, jettent des herbes médicinales sur des pierres chaudes avec de l'eau pour créer une vapeur assez forte, une chaleur assez forte. Et donc, dans ces temps de situation, j'ai pu m'entretenir avec beaucoup de participants Salish qui, en général, quand je leur disais, quand j'essayais de voir un petit peu, quand je posais certaines questions sur l'entité surnaturelle, me donnaient des choses, des réponses à New Age. Je vous donne trois exemples. Une femme d'une quarantaine d'années qui participait à des cérémonies de sudation, à qui je posais la question de savoir pourquoi les rituels de sudation étaient dits améliorer le contact avec le monde surnaturel. Elle m'expliqua, c'est parce que les champs purifiaient l'âme et que les plantes médicinales nettoyaient le corps, comme lors d'un jeûne. Comme lorsqu'on pratique le yoga ou la méditation. Alors, si la conception d'une purification du corps est ancienne, de nombreux récits dans la littérature ethnographique Salish montrent qu'il y a une nécessité de se baigner beaucoup pour pouvoir entrer en contact avec une entité surnaturelle, se baigner beaucoup dans les lacs, même l'hiver gelé, et puis se frotter avec des branches de cèdre. Si cela est tout à fait courant de se purifier pour rencontrer une entité surnaturelle, la référence au yoga ou à des types de syncrétisme rapprochant les pratiques autochtones des purifications orientales, comme le bouddhisme ou les techniques de corps indiennes, cela c'est tout nouveau. Enfin, c'est arrivé il y a une trentaine d'années. Un deuxième exemple, c'est que j'ai pu assister à des ateliers, donc des workshops, à la First Nation Longhouse, à la First Nation House of Learning de UBC, dans les cours d'Indigenous Studies, où le modèle des anciens, c'est-à-dire les elders, était présenté comme des grands entrepreneurs, des personnes qui étaient capables de faire du leadership. Donc ce concept de leadership qui est maintenant omniprésent. Et les anciens, donc un ancien, comme je vais essayer de le dire, c'est quelqu'un qui est censé être plus proche de la capacité d'atteindre, de rencontrer des entités surnaturelles en vision ou sous l'éloge de situation. Mais juste pour, on parlait en effet du rapport aux entités surnaturelles des anciens, mais c'était pour montrer que c'était pour leur donner, ça leur donnait une force de qualité entrepreneuriale. Donc dans tous les cours de ce qu'on appelle des Indigenous Studies, il y avait beaucoup de rapports aux anciens, à l'expérience du sacré et du surnaturel sous ce modèle-là. Et enfin, un troisième exemple que je vous donne où on a pu me parler des entités surnaturelles sous une forme de vulgate New Age, c'est avec la notion d'énergie, où toujours à la First Nation House of Learning, un jour où il y avait une conférence sur le soin autochtone, j'ai pu rencontrer une auditrice qui m'a dit que qui était autochtone, qui m'a dit que elle pensait que les entités surnaturelles étaient un peu comme des pôles d'énergie, que la médecine, le soin autochtone, c'est-à-dire qui se fait par des champs en général, devait être conçu comme la transmission d'une énergie, un peu comme s'il y avait des pôles d'énergie, et elle faisait allusion à la physique quantique ou à l'idée que tout était énergie, et que la science autochtone avait, bien avant la mécanique quantique, compris que le monde était fait d'énergie. Donc, il faut dans un premier temps, mais sans trop rigidifier les choses, peut-être différencier le savoir que les anciens ont, c'est-à-dire eux, ils bloquent toute forme de transmission d'un savoir, d'un contenu explicite, du savoir des anciens, du savoir commun, qui se donne souvent dans des références spirituelles éclectiques, puisées dans la littérature New Age. Une des particularités du savoir des anciens, c'est que souvent on y fait déférence. C'est-à-dire que, en général, on peut très bien dire moi je ne sais pas comment faire, moi je ne sais pas exactement ce que sont les entités surnaturelles, mais les anciens ils le savent parce qu'ils les rencontrent de manière ostensive, ils en ont plus de vision, ils sont plus proches du monde surnaturel. Alors un savoir par déférence, je me réfère ici aux études de Maurice Bloch dans un livre de 2005 qui s'appelle Essay on Cultural Transmission. Et aussi à la dichotomie que Pierre Delehage fait dans son livre Le Champ de l'Anaconda entre savoir par déférence et savoir par ostension chez les Charanawa. L'idée que le savoir par déférence, c'est que c'est une forme de respect pour la parole ou la connaissance d'une personne que l'on reconnaît comme ayant une meilleure expérience ou une connaissance que soi sur certains sujets. Donc, lorsque je demandais par exemple à un ami pourquoi il avait décidé de planter sur la colline, au sud d'un cercle sacré, dans lequel il s'apprêtait à faire une prière, deux couteaux, il me dit simplement, un ancien m'a dit de faire ainsi. Une autre fois, lorsque je demandais par exemple, qu'est-ce que c'était que cet oiseau tonnerre, Thunderbird, que certaines personnes, avec lesquelles certaines personnes sont en contact, je fus renvoyé à plusieurs reprises vers certains noms d'anciens, des Musqueam, c'est-à-dire des gens qui vivent dans la ville de Vancouver, qui étaient censés être directement en contact avec cette entité surnaturelle qui est l'oiseau tonnerre. Alors, au bout de la chaîne de déférence, les anciens sont censés avoir un savoir ostensif, c'est-à-dire un savoir en première personne, un savoir qu'ils ont expérimenté directement. Mais nous avons vu, ils en parlent très peu et ils bloquent en général les processus de communication, pragmatiques de communication, quand on essaie d'y faire allusion. Alors comment est-ce que l'on peut approcher ce savoir des anciens ? Alors déjà, le savoir des anciens, dans un premier temps, il se donne beaucoup à la marge, il se donne beaucoup en passant. C'est comme ça que j'ai construit beaucoup de mon ethnographie, c'est-à-dire que c'est justement quand on pose pas de questions, qu'ils donnent, que parfois ils font allusion. Tiens, j'ai vu dans ce rituel de situation, j'ai vu l'esprit de l'ours. Ah bon, il y avait un esprit d'ours dans la loge. Donc ça se donne en passant, comme ça, sans y faire allusion. Et la deuxième manière dont le savoir des anciens se donne, en tout cas comme moi j'ai pu le recevoir, c'est que s'ils désamorcent tout le temps les questions qu'on essaie de poser, en fait ils renvoient tout le temps au rituel. Il faut que tu fasses le rituel, il faut que tu continues la pratique du rituel que tu fais, parce que c'est en première personne qu'on peut avoir la connaissance des entités naturelles. Ça ne sera jamais par déférence. Donc toujours le savoir des anciens, on en fait quelque chose d'une déférence, mais eux, les anciens, ils nous disent tout le temps, c'est pas par déférence que tu vas apprendre des choses sur le surnaturel, c'est toujours de manière ostensible, en pratiquant les rituels, en faisant les quêtes de vision, et en essayant d'atteindre toi-même, en allant au-delà de la description. Donc, par exemple, pour vous donner deux exemples sur cette espèce d'enrayage constant pour me ramener au rituel, un jour que nous faisions partir du feu pour chauffer les pierres pour une cérémonie de sudation, je demandais à un ancien, responsable de la loge, s'il pensait que les blancs et les autochtones pouvaient rencontrer les mêmes entités surnaturelles, ou si elles étaient spécifiques à chaque culture. Il me répondit qu'il pensait que les entités étaient les mêmes, même si elles pouvaient apparaître différemment à ceux qui ne les connaissaient pas. Selon lui, les rituels permettaient d'approcher des entités surnaturelles directement, et ces entités étaient les mêmes dans les rituels. C'est-à-dire, si vous pratiquez la danse du soleil, ce qui est un rituel Sioux importé dans les plaines, sous des plaines importées sur la côte nord-ouest que les Indiens pratiquent beaucoup, vous allez rencontrer des entités surnaturelles que les rituels de la danse du soleil est censé vous faire rencontrer, c'est-à-dire en général le bison, l'aigle, qui sont des entités surnaturelles qui sont au cœur de ce rituel-là. Donc chaque rituel amène un certain rapport aux entités surnaturelles. Et la deuxième chose que c'est intention... Donc je remarquais déjà que ma question, elle concernait la nature des entités surnaturelles, et l'ancien a complètement enrayé pour me ramener non pas à la nature des entités surnaturelles, mais à la forme rituelle elle-même. Et enfin, il me dit un autre jour, lorsqu'on était dans une cérémonie de situation, il me dit qu'il était temps maintenant que les rituels autochtones s'ouvrent aux blancs, que enfin les blancs sachent les manières de faire autochtones. Ils appellent ça the way we do. The way we do is powerful. Donc, en fait, il disait que c'était par les rituels, ça serait que par le rituel et la pratique rituelle que les entités surnaturelles se feraient rencontrer. Donc il y a bien deux manières dont les anciens donnent du savoir sur l'entité surnaturelle, et c'est sur ça que je vais construire ma recherche ethnographique. Donc les témoignages en passant et tout ce qu'on me demande de faire dans les rituels. Donc première forme, là je suis parti dans ma première partie, c'était d'essayer de comprendre les modalités d'énonciation quand j'essayais de poser des questions à première vue sur qu'est-ce que c'était qu'une entité surnaturelle de nos jours, comment on me répondait. Alors dans cette première partie, je vous ai montré plusieurs types de savoir, plusieurs types de manières de me répondre en noyant dans la Vulgate New Age ou en essayant de m'envoyer vers les rituels. Maintenant, dans ce second temps, je voudrais essayer de vous montrer quelles différentes formes des entités totémiques, c'est-à-dire des entités surnaturelles, je vais les appeler des entités totémiques, maintenant je vais essayer de le justifier, elles peuvent prendre. Donc, la première forme que les entités totémiques prennent, en général, quand on essaie de s'y référer, c'est qu'elles sont prises dans une relation de parenté. Alors, dans une relation de parenté vague, qui va pouvoir être une relation d'alliance ou une relation de filiation, c'est-à-dire vraiment une relation de parenté qui passe par une transmission de parenté. Alors, un jour, je vous donne un premier exemple. Un jour que je participais à un rituel de deuil, nous vîmes tous plusieurs aigles voler au-dessus de l'endroit où nous trouvions. Étonné par un aussi grand rassemblement, je levais la tête et je montrais les aigles du doigt à un ancien dont j'étais proche. Et j'apprenais alors qu'on ne pouvait pas montrer les aigles du doigt comme ça, parce que c'était toujours de manquer de respect que de désigner de cette manière ses grands-parents. Il était donc question aussi de mes grands-parents. En réalité, les aigles apparaissaient un peu comme les grands-parents de tous ceux qui étaient réunis ici. nous faisons partie, alors pendant un an, j'ai fait partie d'une loge de sudation qui était mise sous le signe de l'aigle, de Eagle Compassionate Society. Et donc, une fois que j'étais rentré dans cette loge, je devais développer une relation particulière avec l'aigle, doucement. Et tous les individus qui faisaient partie de ces cérémonies devaient créer un lien plus ou moins privilégié avec un aigle. Donc, c'est une relation de parenté extrêmement lâche, puisque un blanc, novice dans la pratique rituelle comme moi, pouvait entrer dans les schèmes de respect et de politesse qui sont valorisés chez les Salish côtiers entre les grands-parents et les petits-enfants, et considérer que ces schèmes de politesse très très importants chez les Salish côtiers, entre grands-parents et petits-enfants, peuvent être appliqués à ma relation à des non-humains animaux. Donc, ce schéma de parenté, je vais essayer de le spécifier un peu à travers deux exemples. D'abord, j'ai pu rencontrer un individu un jour qui, quand je lui posais la question, il faisait beaucoup de chants dans les loges de ciliation qui étaient en rapport avec le bison. C'est un individu Mi'kmaq, donc Mi'kmaq et Salish, il avait des origines qui venaient de la côte est et de la côte ouest. Et c'est un individu très corpulent. Quand je lui posais la question quel type de relation il avait avec le bison, me dit que c'était une affinité de longue date qui remontait à l'enfance et que cet animal était venu plusieurs fois en rêve, récurrent, en vision, et qu'il avait toujours senti la force de cet animal en lui. J'ai noté deux ou trois phrases où il me dit que lorsque je vois un bison, je peux sentir en lui des choses. On se comprend, on sent et on pense de la même manière. Cette identification avec le bison, elle n'était pas anodine, puisqu'il avait peut-être développé un ressenti en accord avec la mesure de sa propre force. C'est sans physique, mais il me parlait dans des termes d'une sorte de tonalité, d'une sorte de résonance entre lui et le bison. Donc cette relation d'accordance, qui est presque musicale, comme si deux tonalités s'accordaient, elle est assez commune chez les Salish. Et souvent, quand une entité surnaturelle vient en vision ou en rêve, elle donne un chant. Il y a comme une mélodie qui résonne entre les deux individus. Et parfois, les individus se réveillent de rêves forts en ayant une mélodie dans la tête, et ils en déduisent qu'il y a une entité surnaturelle qui a dû offrir quelque chose. Donc, première forme de relation que j'ai pu voir, c'est une relation d'alliance indéterminée, très vague, une sorte de résonance, comme s'il y avait, comme dans l'amitié, comme s'il y avait deux choses qui se créaient parce que c'est lui, parce que c'est moi, et on est dans une sorte de résonance. Un autre type d'exemple que j'ai pu avoir, c'est une relation d'une sorte de filiation indéterminée. Alors, par exemple, j'étais sur le territoire des Musqueam, donc c'est dans le cœur de la ville de Vancouver, et je devais faire un rituel de passation de pouvoir où je devais battre le tambour pendant très très longtemps pour faire le bruit des ailes de l'oiseau tonnerre, parce que la personne qui était au centre du rituel avait un lien d'affinité très fort avec l'oiseau tonnerre. Et on était un certain nombre de personnes impliquées dans les rituels à devoir reproduire ce lien fort au tambour. Et donc c'est un ancien très respecté, vint nous voir avant la cérémonie pour nous dire comment partir doucement avec le tambour, puis monter de plus en plus. Il nous dit qu'il fallait s'imaginer toute personne qui rencontre en rêve l'oiseau tonnerre, toute personne comme lui et comme les autres membres de sa famille qui avaient cet animal dans la peau depuis très longtemps. Et quand cet oiseau arrive en vision, il est terrifiant et il fallait rendre manifeste cette sorte de terreur qui peut arriver quand on rencontre l'oiseau tonnerre. Donc là, il y avait une connexion qui avait été tissée entre lui et l'oiseau tonnerre parce que c'était une connexion familiale. Donc deux exemples, un de filiation et un d'alliance pour essayer de mettre en place cette relation vague, indéterminée avec l'entité surnaturelle. Alors, pour essayer de mettre un nom dessus, il y a Turner, qui est une anthropologue qui travaille beaucoup avec les Salish, qui a appelé ça un kin centrism. Cette idée que toutes les relations indéterminées sont centrées sur la parenté. Alors, c'est absolument pas nouveau, cette idée qu'il y a une alliance et une filiation. Chez les Salish côtiers, ça fait longtemps qu'il y a deux types de totémisme. Il y a un totémisme qu'on appelle un totémisme individuel, où les individus allaient quêter au siècle dernier des entités, et vont toujours le faire, et vont quêter individuellement des entités surnaturelles dont ils vont se faire des alliés. C'est-à-dire, on va dans la forêt, et puis on rencontre l'aigle, ou on rencontre l'ours, dans une quête de vision. On appelle ça un totémisme individuel. Et il y a aussi un totémisme collectif chez les Salish-Côtiers, qui a beaucoup intrigué les anthropologues, qui est un totémisme héraldique, où de grandes familles possèdent des entités surnaturelles qui se passent de père en fils, ou qui se passent de manière cognatique, donc de manière indéterminée. Donc, cette idée d'une parenté vague peut être attachée à cette idée qu'il y a des entités surnaturelles de deux types chez les Salish-Côtiers. Mais alors, de nos jours, elle est complètement mixte, elle est complètement mélangée à plusieurs choses, qui sont que il y a la cosmologie des Indiens des Plaines, c'est-à-dire la cosmologie Lakota, qui est venue chez les Salish-Côtiers et qui a complètement créé une identification aux entités surnaturelles sur le mode de tout est relié, parce que les cosmologies de Lakota, elles considèrent que tous les individus sont reliés, elles ont ce concept de all my relations. De Mutaka Uroyasin, qui est le mot pour dire que tous les êtres sont reliés d'une certaine manière complètement indéterminée. J'essaie de comprendre ce concept de kincentrism comme il a pu apparaître chez les Salish-Côtiers. Et il y a aussi les mondes des colons nord-américains qui est arrivé pour détruire les anciennes structures familiales, c'est-à-dire la relation privilégiée que les grands-parents avec les enfants, et qui a fait une relation plus ou moins vague, indéterminée avec d'autres Aleuts. Et enfin, j'essaie aussi de voir que le christianisme, qui s'est très bien implanté chez les Salish-Côtiers, a pu aussi créer l'idée d'un Dieu unique et que tous les êtres sont frères et sœurs. Et puis cette idée qu'il y a d'autres formes de totémisme depuis longtemps chez les Salish-Côtiers, l'alliance et la filiation. Donc tout ça pourrait être pensé comme des causes possibles du rapport aux entités surnaturelles, tel que j'ai pu le voir. Alors, maintenant. Je voudrais essayer de voir que beaucoup de témoignages que j'ai pu recevoir considèrent que l'entité surnaturelle, quand on essaie de la penser, c'est comme une propriété extérieure du soi. C'est plutôt de l'ordre de ce que j'ai, c'est une possession. Alors, j'ai pu recevoir plusieurs témoignages. Alors, quand je suis parti sur la montagne pour faire les quêtes de vision, on monte. Tout seul pendant 4 jours dans un cercle où on ne peut pas sortir. Ce qui arrive, c'est qu'on reste 4 jours sans eau et sans nourriture. Et pour créer des états modifiés de conscience, pour pouvoir justement rencontrer des entités surnaturelles. Alors les premières justifications que j'ai eues, non pas des anciens, mais des gens qui avaient fait le rituel, qui étaient un peu plus avancés que moi, c'est-à-dire qu'ils avaient fait plusieurs fois les quêtes de vision, c'est qu'un ami m'a dit, autochtone, m'a dit, tu ne recevras que ce que tu ne donneras. L'important, c'est d'avoir le courage d'y aller, d'offrir quelque chose et de recevoir quelque chose. Il m'a dit encore que si ces rituels ne te font pas peur, cela est mauvais signe. Il faut que ça te fasse un peu peur, sinon, sans peur, il n'y a pas de bravoure. Donc, avant de monter sur la montagne, j'ai pu recevoir beaucoup de témoignages comme quoi il y avait des ours qui passaient souvent, des ours noirs ou alors des pumas, des cougars, qui passaient près du cercle sacré, mais qui rentraient jamais dans le cercle sacré. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, où en fait, on est toujours protégé dans le cercle, il ne faut pas avoir peur, parce que les entités surnaturelles sont là, mais en même temps que le rituel doit être là pour nous fortifier le courage, pour rencontrer peut-être des entités hostiles. Alors, dans ces premiers témoignages, il y a l'idée d'une non-appropriation. L'idée qu'on peut donner, c'est qu'il faut coexister avec les entités surnaturelles autour de soi pour pouvoir se fortifier soi-même. J'ai pu avoir beaucoup de témoignages où en fait, la relation avec une entité surnaturelle, c'est pas tellement une relation d'appropriation, c'est une relation de fortification du fait qu'on se met en place de quelqu'un qui a plus de pouvoir que soi. La deuxième manière de me présenter la quête de vision, c'est que l'entité allait offrir quelque chose. Alors ça, c'est l'ancien qui m'a dit ça, qui s'occupait de moi. Si jamais je voulais rencontrer une entité surnaturelle, il fallait que je garde la conscience bien claire, keep focused, et que j'ai de bonnes intentions et que tout vienne du cœur. Et que je dois faire des prières et des fumigations de soja pour me purifier. Alors l'idée ici, c'est qu'il n'y a toujours pas d'appropriation, c'est que l'entité surnaturelle vient voir la personne, que lorsque celle-ci est bien purifiée, qu'elle a fait de bonnes actions, qu'elle a de bonnes intentions, et qu'elle mérite juste qu'on lui donne quelque chose. Dans ce cas-là, l'entité surnaturelle, il me semble presque d'ange gardien, avec qui on crée une relation très pacifique. Et enfin, dans un troisième cas, là, j'ai pu voir que on présentait la relation de quantité surnaturelle comme une forme d'appropriation ou de possession. Alors, dans le premier cas, c'est une forme d'appropriation où il n'y a pas de guerre, pas de lutte. C'est comme un ange gardien. Ça revient souvent, l'idée que c'est un protecteur qui est au-delà de la lutte. Il est tellement bon, tellement généreux qu'il ne va pas rentrer dans une lutte avec soi. Il va juste donner. Il va jamais demander. Et donc, par exemple, quand j'étais dans les rituels, que je devais être firekeeper, que je devais garder le feu, on me disait que c'était des actions qui rendaient de plus en plus qui me nettoyaient, qui me purifiaient, d'aider les autres, et que c'était le meilleur moyen pour créer un contact avec une entité surnaturelle. Donc là, c'est une sorte d'ange gardien. Et enfin, dans le deuxième cas, alors là, c'est beaucoup plus les anciens qui disent ça, où il y a quand même quelque chose qui est très dangereux avec l'entité surnaturelle. On peut rentrer dans une relation de prédation, où l'entité surnaturelle, si on ne respecte pas un certain nombre de tabous, peut devenir une entité prédatrice. Alors ça, c'est tout à fait ce qui était autrefois dans la littérature chez Salish Kotier, dans la littérature ethnographique. On se rend compte que l'entité surnaturelle est une entité très difficile à apprivoiser et à s'approprier. Si on fait mal les rituels, par exemple, quand on rencontre une entité surnaturelle très très dangereuse, comme le serpent à deux têtes dans la forêt, il faut arracher un bout de cheveu, garder droit que l'entité. Il y a un certain nombre de rituels très très précis à faire pour pas que l'entité nous entortille. Il y avait ce concept d'entortillement, c'est-à-dire que si jamais on ne faisait pas les rituels que l'entité voulait, on se faisait twist around, entortiller. Ils ont les Chalices avaient un mot avant, qui est rolis. Donc il fallait un certain nombre d'hommes. Il y avait un certain nombre d'entités surnaturelles qui étaient beaucoup plus puissantes et dangereuses que les autres, comme le serpent à deux têtes, comme l'ours noir vivant sous les eaux. Et ces entités surnaturelles, c'était que les chamans qui pouvaient les quêter, parce qu'il fallait beaucoup de pouvoir personnel pour pouvoir entrer en contact avec elles. Et aussi, une fois qu'elles étaient apprivoisées, elles pouvaient donner beaucoup de pouvoir pour les rituels de guérison. Et enfin, durant les danses d'hiver. Alors les danses d'hiver, c'est des rituels qui ont eu beaucoup de succès chez Salish Kotier, où des individus, devant une communauté d'autres individus, rentrent en transe et se font posséder par une entité surnaturelle. C'est des rituels qui sont encore d'actualité. Et autrefois, la possession qu'il y avait durant la danse d'hiver était une possession qui était pensée comme une sorte de domptage, où l'entité surnaturelle devait être combattue pour être apprivoisée. Il y a aussi beaucoup dans la littérature ethnographique que j'ai relevé des idées que les entités surnaturelles sont comme des esclaves ou des chiens. Elles sont un peu à notre service. Donc, comment on peut penser l'entité surnaturelle comme une propriété extérieure à soi. Il y a aussi cette idée que l'entité surnaturelle est une propriété essentielle du soi. C'est même plus quelque chose d'extérieur qui doit être apprivoisé, mais c'est quelque chose qui doit qui est juste partie intégrante de soi. Alors, le mot le plus courant utilisé pour parler des entités surnaturelles, c'est le mot spirit. Bear spirit, eagle spirit, toutes les entités surnaturelles sont des esprits. Alors, si on essaie de comprendre un peu à quoi renvoie cette notion de spirit, par exemple, un jour, quand j'étais dans une situation où un ancien, mais très respecté, a dit, en sortant de la loge, à d'autres anciens, vous avez vu que l'esprit de l'ours est rentré dans la tente, sous la tente. J'ai eu des visions de l'ours, j'ai senti la présence de l'ours. Donc c'est comme ça que ça se donne. J'ai senti la présence de l'ours. Alors qu'est-ce que c'est que cet esprit de l'ours? Si on se rend compte de toutes les occurrences dans lesquelles des esprits viennent nous voir, comme cela, on se rend compte qu'en fait, l'esprit utilise toujours un token particulier, donc une occurrence particulière, qui va se présenter soit dans un rêve, soit dans une sensation de présence comme avec l'ancien, soit directement par un vrai animal. C'est-à-dire qu'on nous dit dans les quêtes de vision, si jamais dans une quête de vision vous voyez de manière récurrente un écureuil, vous voyez de manière récurrente un aigle, c'est que il est envoyé, c'est un émissaire de cet esprit d'ours. Alors, comment on pourrait essayer de penser cet esprit d'ours? Alors, je propose de le penser comme une forme de concept sortal, alors en me référant à la définition que Wiggins donne du concept sortal, qui est n'importe quel prédicat dont l'extension consiste en tous les objets ou substances particuliers d'une espèce particulière, disons les chevaux ou les moutons ou les serpettes, sera appelé un prédicat sortal. Donc, comment penser le type d'extension du concept sortal utilisé pour se référer à l'entité protectrice ou à l'esprit? Alors, je vais vous donner deux témoignages qui me permettent d'essayer d'avancer un peu plus dans ce que c'est que cette idée d'un concept sortal, pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un esprit. Alors, il y a une femme à qui je passais pas mal de temps qui, un jour, me fait part d'une vision qu'elle avait eue. Alors, c'est une vision ou un rêve fort où elle avait vu sa grand-mère qui était morte récemment, elle avait ressenti énormément d'émotions, elle avait beaucoup pleuré au moment où elle avait eu cette vision. Et elle sentait qu'elle était protégée par sa grand-mère et par les ailes, et par une sorte d'entité volatile et qu'elle référait à l'aigle. C'est la première occurrence où on sent que le concept sortal, tel qu'il se présente dans certains témoignages, se donne comme une sorte, ce qui me protège, c'est à la fois de l'humain, qui à travers ma grand-mère, un aïeul, mon aïeul préféré, avec qui j'ai beaucoup d'émotions, et en même temps, qui elle-même est mélangée à les propriétés non humaines qui seraient de l'aigle. Ça, c'est la première occurrence. La deuxième occurrence, c'est quand j'ai posé la question à un ancien, qu'est-ce qu'il pensait, lui, qu'il y avait après la mort. Il m'a dit qu'il pensait qu'on se réincarnait en animaux ou en plantes. Ce qu'il me répétait souvent, il me disait, les arbres sont des ancêtres, c'est pour cela qu'il faut les respecter. Alors, c'est encore l'idée que le concept sortal qui permet de penser la personne, c'est-à-dire lui en l'occurrence ou moi, ça sera le fait qu'on est tous un petit peu un humain, mais quelque chose d'autre dans lequel on va pouvoir se réincarner et faire des sortes de réincarnations successives d'humain en ours, d'ours en humain, d'humain en ours, etc., parce qu'on a le même concept sortal. Alors, donc ces deux témoignages me confortent un peu dans l'idée que chez les Salish, les entités totémiques, ce ne sont pas des animaux, ce sont des gens animaux. Les humains aussi. Et donc, en tout cas, c'est comme ça actuellement chez les Salish côtiers. Ça a été aussi comme ça il y a longtemps, encore dans la littérature ethnographique, si on s'y réfère. Le monde a été créé par des sortes d'humains qui avant se transformaient tout le temps en animaux, c'est-à-dire qu'il y avait un humain ours, un humain roitelet, un humain saumon, et il y a un grand transformateur qui est venu pour fixer les formes. Et toi, tu seras un humain. Maintenant, tu arrêtes de te transformer incessamment en humain. Toi, maintenant, tu seras un ours, parce que sinon, c'était trop le bazar et qu'il fallait ce qu'on appelle réparer le monde, parce que sinon, on pouvait plus s'y retrouver dans les formes. Donc, dans les mythes des origines Salish, là, c'est l'idée que les grands êtres des origines sont des êtres hybrides, humains, non humains, dont on a fixé temporairement l'apparence. Je vous donne juste un témoignage donné par Hiltaut en 1904. D'un homme qui s'appelle François, un Salish côtier. François lui explique à Hiltaut que même s'il croyait que leur ancêtre éloigné fût une loutre, il ne pensait pas que c'était le même genre de loutre qui vivent de nos jours. Les loutres desquels ils descendent étaient des gens loutres, pas des animaux qui avaient le pouvoir de changer la forme d'homme et de femme, pas des animaux, mais ces gens loutres avaient le pouvoir de changer la forme d'homme et de femme qu'ils avaient à celle de la loutre. Tous les animaux, lors des temps anciens, étaient ainsi. Ce n'est pas juste des animaux communs et rien de plus. Et il tente de continuer. Ses ancêtres ne sont pas regardés comme de simples animaux, mais comme ayant ou prenant part aussi à des natures duelles. Donc, comment je peux essayer de penser ce concept? Alors, pourquoi le concept sortal me paraît assez utile? C'est qu'il peut servir de paradigme à la fois pour penser les grands ancêtres des origines, qui sont hybrides, qui se transforment à la fois en humain et en non-humain, mais aussi les esprits, tels qu'aujourd'hui on en parle. On parle aujourd'hui des esprits en disant, non pas que moi je suis relié à l'aigle, du style X, moi, Y, aigle, mais en disant que X est relié à un F, cette espèce d'esprit de l'aigle qui est aussi un humain, et que l'aigle particulier, le token d'aigle particulier, cet animal particulier, est aussi relié à cet F, cet esprit qui a les deux propriétés. Donc c'est plutôt que moi et l'aigle, on est tous les deux reliés à cette sorte de même entité qui a des caractéristiques duelles. C'est comme ça qu'on peut essayer de penser, en tout cas on pourrait essayer de penser ce que les Amérindiens actuellement conçoivent lorsqu'ils parlent des esprits. Enfin, une dernière occurrence de ce que peut être une entité surnaturelle aujourd'hui, c'est qui est assez commune, c'est l'idée que les entités surnaturelles, c'est avant tout des sortes de spiritual power qui se donnent par contagion. Alors, là, on n'est plus dans l'idée que c'est un aigle, enfin, on n'est plus dans l'idée que certains individus, en tout cas, ne veulent plus trop penser des relations à des noms humains particuliers, mais préfèrent penser des relations à des forces spirituelles vagues. C'est assez courant. Je vous donne deux exemples. Une fois où j'étais invité par une jeune mère Salish à un rituel où elle voulait présenter un rêve qu'elle avait eu, une vision qu'elle avait eue par une danse, où elle allait danser la vision du colibri, donc hummingbird, c'est ce petit oiseau qui bat des ailes très très vite, un oiseau mouche. Elle a vu cette vision, et dans sa vision, l'oiseau lui avait demandé, ce qui est assez courant chez les Salish, de danser devant une communauté pour témoigner du rêve qu'elle avait eu, pour témoigner de la vision. Et elle allait danser avec sa petite fille parce que dans la vision qu'elle avait eue, elle avait vu que l'oiseau la reliait, elle et sa petite fille. Par cette force étrange du colibri, elle était reliée à sa petite fille. Et donc, la danse du colibri se dansait les bras ouverts comme ça en sautant avec sa petite fille. Et c'était bien une force de vie qui reliait la mère à sa fille, une force de vie indéterminée. Et le deuxième modèle de cette force de vie, c'est toujours dans les danses spirituelles. Il y a une grande tradition de danse spirituelle chez les Salish Côtier, où actuellement, il y a des grandes cérémonies de danse d'hiver, donc de danse spirituelle d'hiver, où quand les individus se réfèrent aux entités totémiques avec lesquelles ils sont censés rentrer en contact, c'est beaucoup moins des entités individualisées qu'une sorte de force spirituelle diffuse qu'ils appellent COM. Alors le COM, elle est diffuse et elle est impersonnelle. Alors je vous donne juste le témoignage d'un leader, Frank Malloway. Il dit, il en est ainsi, le CON est une force étrange et lorsque tu commenceras à penser que tu la connais, tu sais, cela te fera prendre conscience qu'en réalité tu ne sais rien. Cela fera quelque chose. Je l'ai fréquenté presque toute ma vie et je ne connais presque rien sur sa nature. Je ne peux pas le décrire, je ne peux pas dire à quelqu'un ce que c'est parce que mes mots feront demi-tour et deviendront quelque chose d'autre. Mais il te stupéfait toujours chaque hiver, quelque chose se passe. Aujourd'hui, cette force donc que l'on rencontre dans les danses d'hiver, alors les danses d'hiver avaient une tradition très totémique avant, où quand on regarde la littérature sur les danses d'hiver autour de 1940, c'est toujours des entités totémiques très particulières qu'on rencontrait, des esprits, alors que maintenant c'est beaucoup plus, les individus parlent beaucoup plus d'une force, le grand esprit, la force du CON, une force impersonnelle et diffuse, qui a toujours quelques caractéristiques très très d'agentivité personnelle, puisque parfois elle peut être jalouse, ou elle peut être taquine, ou elle peut être possessive, si on ne l'écoute pas. Donc elle a encore des caractéristiques très personnelles. Donc cette force fait trembler, et c'est très courant chez les Salish, dès qu'on rencontre une entité surnaturelle, on commence à trembler. Si on s'assoit sur un lieu qui est sacré, on commence à trembler, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a malgré nous, même si on n'a pas de vision ni rien, on est en contact avec quelque chose de plus fort que nous. Et donc, cette force surnaturelle fait trembler. Donc, dans cette exposition de témoignage, qu'est-ce qu'on peut trouver comme propriété? J'ai essayé de classer en propriété accidentelle et propriété essentielle, c'est ce que peuvent avoir les entités surnaturelles, une sorte de carré ontologique. Alors, si on prend les propriétés universelles qui seraient essentielles à l'individu, il y a une sorte de principe, l'entité surnaturelle, c'est avant tout un principe de vie commun, une sorte de grand esprit, une sorte de Dieu, une sorte de Saint-Esprit aussi. Je ne vous ai pas donné toutes les références qu'il y a au Saint-Esprit dans la religion chrétienne. Si c'est plus particulier, on voit que c'est plutôt des propriétés vitales d'une entité animale. Donc c'est toujours la force de vie, mais d'une entité animale particulière, comme le colibri ou l'aigle, ou des propriétés vitales d'un individu animal. Donc c'est essentiel et particulier. Si c'est accidentel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'en débarrasser, on l'a pas toute notre vie, c'est-à-dire qu'on l'acquiert à 12 ans, ou on l'acquiert à un certain moment, et c'est accidentel, c'est partie séparable de nous. Ça peut être soit le pouvoir d'une existence surnaturelle, qu'on nous donne, par exemple, telle entité que j'ai vue en vision m'a offert un champ, donc elle me donne un pouvoir qui est accidentel, que je peux perdre, que je peux me faire voler, dont j'ai un droit de propriété mais partiel. Ou alors, si c'est propriété accidentelle particulière, c'est une entité surnaturelle complètement extérieure, que je peux apprivoiser, dominer, ou contre laquelle je peux me fortifier. Donc, voilà. Alors maintenant, ce que je pourrais essayer de proposer, ce que je pourrais essayer de proposer dans une troisième partie, une troisième et dernière partie, c'est d'essayer de dégager ce qu'on pourrait appeler un complexe totémique. Alors un complexe totémique, c'est à travers toutes ces hésitations, ces indécisions, ces incertitudes, que les individus sont jamais sûrs, il y a quand même un certain nombre de rapports qui se dessinent, qui sont plus ou moins constants avec les entités surnaturelles. Et donc, je peux relever cinq grands rapports qui sont assez classiques. Donc, un totémisme qu'on va appeler un totémisme individuel classique, comme on l'a vu, certains individus rentrent lors de quêtes de vision en contact avec l'aigle, en contact avec le bison. Donc ça, c'est un totémisme individuel, c'est-à-dire que ça ne vient pas de mes parents. C'est moi, en tant qu'individu, qui ai créé un lien avec cette entité surnaturelle. Un totémisme qu'on va appeler un totémisme collectif classique, c'est-à-dire que, dans certains cas, comme mon père avait l'oiseau tonnerre, il me l'a transmis, et je l'hérite par filiation. Donc c'est un totémisme collectif, c'est-à-dire que tous les actes des individus d'un même groupe d'humains vont avoir cette entité surnaturelle en possession, comme l'oiseau tonnerre. Après, il y a une sorte qu'on peut essayer de dégager, qui serait un totémisme individuel rare. Chez les Salish côtiers, dans certains cas, je peux, moi, en tant qu'individu, rentrer en contact avec une entité surnaturelle complètement individualisée, qui est que un. Comme par exemple le serpent de tête, il n'y en a que un dans la région. Comme le Sasquatch, il n'y en a que un. Et donc, je rentre en contact avec une entité surnaturelle qui n'existe qu'en un seul exemplaire. Donc, individu, individu. Pas individu et ensemble d'un groupe ou d'une espèce. Un totémisme collectif rare, c'est-à-dire que certaines fois, chez les Salish côtiers, dans certains cas, un groupe peut rentrer en contact avec une de ces entités surnaturelles totalement individualisées, totalement unique. Et enfin, un totémisme indistinct et flottant, alors avec cette idée qu'il y a une force spirituelle qui rentre dans tous les individus, qui est la même, qui est impersonnelle et diffuse. Chacun de ces cinq rapports totémiques est reconnu comme possible chez les Salish centraux de la côte aujourd'hui. Certaines personnes entrent dans un seul de ces rapports, hésitent parfois, d'autres jouent sur plusieurs de ces rapports et possèdent par exemple à la fois des entités surnaturelles reçues en héritage et des entités surnaturelles acquises personnellement. Ainsi, il est possible de nommer complexe totémique la cohabitation dans la région de ces relations plurielles au non-humain surnaturel. Malgré leur hétérogénéité, elles peuvent être organisées selon une certaine logique qui permet de les replacer à l'intérieur d'un même complexe. Alors comment je vais organiser cette logique ? Pour essayer de penser le totémisme, cette logique totémique, j'ai essayé de me référer à ce que Lévi-Strauss dit dans le totémisme aujourd'hui. Alors, Lévi-Strauss dit qu'il peut y avoir quatre grandes catégories de totémisme. Alors, pour lui, on peut les trouver partout sur la planète. Il nous dit soit un groupe culturel rentre en contact avec une catégorie, un groupe naturel, soit une personne rentre en contact avec une catégorie, un groupe naturel. Soit un individu naturel comme un ours rentre en contact avec une personne, soit un individu naturel rentre en contact avec un groupe humain. Donc, si je simplifie le tableau de Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'il me semble que tout ce que Lévi-Strauss range sous le terme catégorie ou groupe, ce sont, quoi qu'il arrive, des opérations d'universalisation. C'est des groupes d'individus, c'est des extensions d'individus sous un même concept. Et si on prend le tableau de Lévi-Strauss, encore tout ce qui est rangé sur le terme d'individu ou de personne, ce sont des opérations de particularisation. On va toujours vers le particulier. Donc, je vous propose de créer un tableau pour penser le complexe totémique, où on pourrait avoir... On pourrait aussi remplacer tout ce qui est de l'ordre de ce que Lévi-Strauss appelle la nature par les non-humains, et tout ce qui est de l'ordre de la culture par des humains. Donc, on arrive à un tableau, en fait, en quatre parties, où, soit du côté des non-humains, on a un individu qui rencontre un autre individu, mais du côté des humains, et alors là, on a un totémisme individuel rare, c'est-à-dire que un non-humain particulier, individuel, qui n'existe qu'en un seul exemplaire, va rencontrer un individu humain qui n'existe aussi qu'en un seul exemplaire, et là, ça va créer un totémisme individuel rare. Lorsqu'on a des non-humains qui sont en groupe, et qui vont, donc un groupe de non-humains qui vont rencontrer un individu humain, à ce moment-là, c'est un totémisme individuel classique, c'est-à-dire un humain individuel rencontre un groupe de non-humains, l'ensemble des aigles, je pourrais avoir des relations avec l'ensemble des aigles, avec l'ensemble des ours. Enfin, lorsque un groupe de non-humains rencontre un individu non-humain complètement particularisé, c'est ce qu'on pourrait appeler le totémisme collectif rare. Et lorsque un, par exemple, dans les sociétés secrètes, souvent, il y a un groupe d'humains qui va rencontrer une entité surnaturelle totalement individualisée. Et dans les non-humains qui sont en groupe, lorsqu'ils rencontrent un groupe d'humains, alors c'est un totémisme collectif classique. Un ensemble de non-humains, les aigles, sont reliés à ma famille, à tous les membres de ma famille. Donc, voilà ce qu'on pourrait appeler le contexte totémiste. Alors, je vous propose de penser les relations, 5 formes de relations possibles chez les sages côtiers à aux entités surnaturelles. Alors, tout ce que j'ai pu voir sur mon terrain peut rentrer dans cette espèce de complexe totémique. Alors, d'un côté, on a les créatures, qui par exemple s'appellent les Slaspoem, qui sont des créatures individualisées, complètement individuelles du côté des non-humains et qui rencontrent des individus particuliers. Ça arrive très couramment, enfin ça arrive souvent qu'un individu ait rencontré le serpent à deux têtes et se soit fait entortiller dans sa tête, soit devenu fou ou ait eu des problèmes. Donc dans ce cas-là, c'est bien un individu particulier qui rencontre un humain particulier. Il y a le cas de ce qu'on appelle les Soulia, donc c'est des entités surnaturelles. Donc là, je me réfère à la langue Alcobelem normale. Les individus, maintenant, ils parlent moins, ils utilisent moins le terme de Soulia que celui de Siouel. Ils ont formalisé les mots. Donc, un totémisme individuel classique, dans le cas de Siouel, où un individu humain rencontre une espèce, donc l'aigle, comme ensemble des membres de, comme dans un nom d'espèce. Les sociétés secrètes, où en effet, on voit souvent des individus, des groupes d'individus qui rencontrent des entités particulières, dont le serpent à deux têtes. Et enfin, ça arrive très fréquemment qu'une famille soit reliée à l'aigle ou soit reliée à un certain nombre d'entités. Alors j'ai mis le Siouel, j'ai mis la force impersonnelle au centre, parce qu'elle m'apparaît beaucoup comme un concept flottant, une sorte de signifiant flottant, tel que Lévi-Strauss propose de le penser. Quelles sont les caractéristiques de ce Siouel? C'est la force, c'est en fait ce qui est la base à toutes les quatre propriétés, à toutes les quatre grandes propriétés qu'on peut donner aux entités surnaturelles. Donc, que l'entité surnaturelle soit une entité individualisée qui rencontre un individu ou une espèce, quoi qu'il arrive, elle va donner une force de vie, elle va donner un pouvoir, elle va donner quelque chose de diffus comme une force spirituelle, c'est toujours conçu comme ça. Donc, le Siouel, c'est ce qui fait le lien, c'est un peu le ciment entre toutes les conceptions qu'on peut avoir de la relation à une entité totémique. Donc, le complexe totémique, en fait, il a pour socle cette force diffuse qui va se passer dans les quatre grands chaînes de relations possibles et hésitations au totémisme. Donc, quoi qu'il arrive, peut-être que je ne sais pas, en tant qu'individu, si je suis relié personnellement à l'aigle ou s'il y a peut-être quelque chose dans ma famille qui était relié à l'aigle mais dont je n'ai pas connaissance. Et quoi qu'il arrive, l'aigle aura une force de vie et ce sera une force spirituelle, ce sera la force de vie de l'aigle qui peut être pensée plus ou moins avec plus ou moins d'impersonnalité. Qui va relier ces deux hésitations. Ces incertitudes, ces flottements dans ma conception de l'entité surnaturelle, elles sont toujours, en tout cas ce que j'ai pu voir, supportées par cette force de vie qui est à la fois personnelle et impersonnelle. Alors c'est un concept flottant, c'est un signifiant flottant parce que c'est à la fois personnel et impersonnel, cette force de vie est à la fois protectrice et dangereuse, individuelle et collective, et elle permet de faire des liens avec des concepts conciliateurs comme celui de grand esprit, ou la notion panautochtone, ou la notion chrétienne d'esprit. Donc, voilà comment je voulais proposer ce concept donc, de complexe totémique. Ce concept de complexe totémique, c'est l'idée que toutes les relations peuvent être plus ou moins liées à des chaînes d'incertitude, d'hésitation, d'oscillation. Ce que j'ai pu voir ce matin, les individus ne sont pas très très sûrs de ce qu'ils peuvent avancer. Mais en même temps, il y a quand même des récurrences qui reviennent tout le temps dans la manière dont on interagit avec l'entité surnaturelle. Alors là, je voudrais juste terminer rapidement pour essayer de montrer en quoi ce complexe totémique comme assouplissement peut rentrer en discussion avec ce qu'on appelle, ce qui est aujourd'hui au cœur du débat avec ce que Philippe Descola propose sur est-ce qu'il y a une ontologie totémique? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une ontologie totémique sur la côte nord-ouest? Alors, c'est un débat qui est très très vieux sur le totémisme et la côte nord-ouest a donné beaucoup de données pour essayer de justement briser le débat. Donc Boas et toute l'école de Boas ont essayé de montrer que le totémisme c'était un concept qui n'avait pas de sens. Boas écrit « Je ne pense pas que tous les phénomènes totémiques puissent être des formes dérivées des mêmes sources psychologiques et historiques. Le totémisme est une unité artificielle et non naturelle. » Donc c'est à partir des cas de la côte nord-ouest qu'on commence à dire que le totémisme n'existe pas. Le totémisme tel qu'on le trouve en Australie chez les Arunda, par exemple. Or, Hittaut, dans un article assez important et assez connu qui s'appelle « Totemism, a consideration of its import, of its origin and import », dit qu'en fait, sur la côte ouest, c'est pas qu'il n'y a pas de totémisme, c'est qu'il y a deux types de totémisme. Il y a un totémisme individuel et un totémisme collectif. Ce que Hittaut avance en plus, c'est qu'il pense, lui, que le totémisme collectif, clanique, c'est un dérivé du totémisme individuel. Tout est très très individuel chez les Saïch Côtier. Et donc, d'abord, on reçoit... Alors, il y a deux arguments pour ça. Son premier argument, c'est que la racine Ulia, qui signifie rêver, construit les mots entité surnaturelle. Donc, elle construit les mots entité surnaturelle, elle construit Sulia. Donc, Sulia, ça veut dire l'entité surnaturelle que je rencontre personnellement et qui m'appartient qu'à moi. Et elle construit le mot Sululia, qui est l'entité surnaturelle collective qui appartient à ma famille. Et donc, Hittaut me dit, oui, mais quand même, rêver, c'est quand même toujours rêver en première personne, et c'est toujours des états personnels et privés. Et en plus, Hittaut de nous donner l'exemple de Captain John, d'un homme qui dit qu'un jour, il avait rencontré son esprit protecteur, un ours, lors d'une chasse, et que ce dernier lui annonça qu'il protégerait aussi tous les membres de sa famille. Donc, Hittaut de dire, regardez, avec la racine du mot rêver, plus en montrant qu'on peut rencontrer un entité surnaturelle personnellement, mais qui a protégé toute la famille, on a déjà un totémisme qui est d'abord individuel, puis après qui se transmet de manière clanique. Et le deuxième argument de Hittaut dans son, si j'essaie de résumer cet article assez dense en quelques mots, c'est aussi que même quand on voit des structures, des intégrations, d'une structure sociale, donc d'une structure, passage de structure matrilinéaire à une structure patrilinéaire, Hittaut nous dit, vu qu'on a vu ces choses se désintégrer, on aurait dû voir, si ça avait été un totémisme clanique, un totémisme collectif, on aurait dû voir le totémisme s'effondrer, puisqu'il supporte les institutions sociales. Or, Hittaut nous dit, oh, il ne s'est pas effondré, ça veut bien dire qu'il est individuel. Bon, c'est un argument. Donc, en discussion avec ce que dit Descola, ce que dit Descola est très très, enfin, c'est assez lié à ce que Lévi-Strauss entend quand il parle du totémisme comme un codage de partie naturelle et de partie culturelle pour pouvoir servir d'organisation des distributions de propriété. Ce que dit Descola, c'est que le totémisme comme ontologie, c'est aussi un certain nombre de codages de propriétés pour construire un certain nombre de schèmes de relations avec le réel qui vont être tout le temps sous l'égide que les individus possèdent un humain et un animal possèdent tous un minimum de propriété humaine, un minimum de propriété de son espèce animale. Donc, Descola, dans ce que j'ai pu comprendre, possède quatre grandes manières de définir l'ontologie totémique. D'abord, ce qui caractérise l'ontologie totémique, c'est qu'il y a une continuité interspécifique, c'est-à-dire que humains et animaux sont en continuité, et dans les espèces aussi, entre les espèces. Un deuxième point sur lequel Descola incite beaucoup, contrairement à Lévi-Strauss, c'est que c'est pas seulement un outil de classification, le totémisme, c'est aussi une identification cognitive et émotionnelle, un rapport intime à une espèce. Dans Part de la nature et culture, Descola s'appuie beaucoup sur l'exemple de la personne qui sent kangourou, qui se sent un kangourou. Donc c'est pas seulement pour classifier des êtres de manière très abstraite, c'est aussi vraiment émotionnel. Et ça permet des combinatoires entre l'individuel et le collectif, la troisième grande idée, et d'organiser des regroupements d'existants. Et enfin, une quatrième grande idée que Descola appuie beaucoup, c'est qu'il y a des êtres du rêve. C'est des êtres qui sont à l'origine des associations entre les humains et les non-humains, qui sont des êtres et des origines. Alors, j'ai l'impression qu'en effet, on retrouve plus ou moins toutes ces données sur la côte nord-ouest. Ce que je peux essayer avec cette idée d'un complexe totémique souple qui se construit à travers des identifications hésitantes, c'est de dire que... ces êtres du rêve, c'est très important qu'il y ait une sorte de concept sortal indéterminé qui permette un certain nombre d'identifications fluctuantes. Donc ça bouge, les cases bougent. On peut être dans une identification collective et après dans une identification individuelle. Ce concept fluctuant permet de bouger assez facilement dans les hésitations de cases. Et enfin, ce qu'on pourrait essayer d'apporter, c'est que s'il y a bien une ontologie totémique, elle n'est pas figée, c'est pas juste un découpage de propriétés qui serait donné une fois pour toutes, mais qu'elle se construit toujours à travers des tâtonnements justificatifs et des hésitations. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Baptiste pour cet exposé très riche sur le totémisme. Du coup, J'ai une première question, donc très précisément je vais la poser, et puis ça va peut-être générer d'autres questions. J'ai l'impression en fait que tu as découpé ton exposé en deux parties principales en fait, finalement, entre une première partie qui se concentre plus sur les modes de discours qui rendent compte des relations avec les non-humains, et une autre partie qui s'intéresse plus directement à ces relations mêmes qu'on entretient avec les non-humains. Et en fait, j'ai l'impression que à l'issue de ça, tu proposes un complexe totémique qui prend en charge la nature des relations telles que tu les as décrites dans ta deuxième partie. Et en fait, je me demandais si on ne pouvait pas envisager de produire une description des relations avec les non-humains sur la base même de ce que tu as dit dans ta première partie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que ce que tu mets en valeur dans ta première partie, à savoir le fait qu'il y a de l'hésitation dans les discours sur les non-humains, qu'il n'y a pas de transmission de contenu, est-ce que ça ne permet pas de penser une ontologie de ces non-humains à partir même de ça ? C'est-à-dire, en fait, de penser des êtres dont on pourrait pas décrire la nature de la relation qu'on entretient avec eux, dont on pourrait décrire des modalités de relation qui passent précisément par l'hésitation. C'est-à-dire que l'hésitation ou l'absence de contenu serait pas quelque chose de négatif pour l'ethnologue, mais serait à prendre en charge positivement comme indiquant quelque chose à proprement parler sur le type de relation qu'on entretient avec ces non-humains. Et en fait, en disant ça, je pense un peu aussi aux travaux de Grégory sur le fantôme, sur le fait que, en fait, bah, quand le fait que le fantôme apparaisse dans une relation incomplète, c'est cette incomplétude-là aussi qui est centrale pour décrire ce que c'est que le fantôme. Et donc, est-ce que on pourrait dire quelque chose sur ces êtres qui, en fait, j'ai l'impression, en fait, ont aussi, d'une certaine manière, un mode d'être qui ne peut pas être appréhendable en termes de description. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Mais c'est très clair. Alors, moi, ce qui m'est apparu, en effet, c'est qu'ils n'étaient pas appréhendables sur un mode de description, mais il y avait quand même des descriptions qui étaient données. C'est-à-dire que c'est jamais totalement fermé. On ne me dit jamais, non, mais n'essaye pas de comprendre. Il y a quand même un certain nombre de schèmes récurrents qui reviennent. Et c'est pour ça que j'essaie de faire une sorte de disposition de ces schèmes qui reviennent le plus souvent. Oui, c'est quand même ma grand-mère qui est là. Il y a quand même des choses qui sont dites, et je ne pouvais pas ne pas en parler de ces choses qui étaient dites, ou juste qu'on me demandait de faire. Donc, en effet, il y a des hésitations qui sont vraiment très très fortes, ou même. Mais bon, j'ai aussi voulu les prendre en compte, non pas comme secondaires, mais comme très importantes, mais aussi les insérer dans un certain nombre de justifications qu'on pouvait me donner aussi parfois de pourquoi on faisait cela. C'est parce que je dois donner... pourquoi tu brûles telle nourriture ? C'est parce que je dois envoyer ça à tel esprit ou à telle personne. Il y a bien des choses qui se disent et qui se font un petit peu, même si c'est en effet peu. Merci, j'ai une question en fait, sur plusieurs questions, mais d'abord sur ce que tu as dit à la fin. Tu as fait l'opposition, et c'est un peu détaillé dans mon papier aussi, entre un modèle d'identification qui serait purement symbolique chez les choses, et puis des scolaires qui intégreraient des modèles émotifs et cognitifs. C'est là-dessus que tu as insisté, en disant qu'en fait ils se vivent vraiment, il y a un aspect de. Et donc il y a un flou, même chez des scolaires ici, et toi tu le dis bien en distinguant un modèle émotionnel d'un côté, un modèle cognitif de l'autre. Espèce de flou, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Et juste, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les types d'identification ? Parce que tu vois, il y a identification, tu dis bien que ce n'est pas que symbolique, mais est-ce qu'on pourrait pas, dans les quatre modèles que tu as proposés, avoir aussi quatre modèles d'identification ? Alors, je n'ai pas d'idée spécifique, l'identification qui serait beaucoup plus, disons, spéculative d'un côté, il serait probablement lié à l'héraldique collective dont tu as parlé, des identifications qui seraient beaucoup plus, je sais pas, affectives, ou, tu vois, des niveaux cognitifs très très variés. Donc, moi, je n'ai pas de connaissances là-dessus, mais est-ce que toi, tu vois, tu pourrais... Donc, faire une sorte de mesure émotionnelle avec laquelle l'individu peut parler de la relation qu'il a avec l'entité. Exactement, je suis en train d'ouvrir la boîte de l'identification, qui est quand même un concept, il me semble, tu vois, masque, enfin, ou chapeau de plein de trucs, et simplement avoir des types d'identification, je ne sais pas si ça serait pertinent, mais... À mon avis, ça serait très pertinent. Il y a certains cas où... Oui. Il faudrait faire une sorte de palette des émotions. Par exemple, quand on rencontre le serpent à deux têtes dans la forêt, et il y a d'abord une énorme peur, ou enfin, il y a quand même quelque chose qui faut faire très attention. Ça doit, comme rencontrer un ours. C'est des émotions qui sont des émotions peut-être d'identification, mais qui sont mises sur la peur ou sur une non-identification au départ. Et il faudrait, en effet, ça serait intéressant de faire une sorte de des degrés d'identification émotive et comment elles se transmettent au niveau corporel, enfin au niveau, oui. Mais tu développes pas mal, hein, à la fin, en faisant un historique des types d'identification qui ont été proposés, en faisant par Pfizer, en faisant une série d'analyses comme ça. Et je me disais, je sais pas, c'est vraiment une question ouverte, j'ai pas de connaissance là-dessus, hein, mais je vois bien qu'on utilise beaucoup ce terme-là, et j'ai l'impression qu'on l'utilise vraiment dans des contextes très différenciés, et que toi, avec la typologie que t'as permis peut-être aussi de le retravailler de toute manière. Bah, c'est peut-être une bonne voie, c'est peut-être une bonne idée. C'est sûr que par exemple quand cette personne-là qui m'a dit qu'elle avait eu ce rêve, voulait beaucoup pleurer avec son aïeul, sa grand-mère, qui était plus ou moins liée à l'aigle, c'est vrai que c'est une identification qui est faite de plein d'émotions, mais qu'elle est très différente. De ce quand l'ancien m'a dit oui, j'ai senti l'esprit de l'ours rentrer dans la loge. C'est en effet des identifications qui sont très différentes émotionnellement et qu'il faudrait peut-être essayer de faire des gradations. Et il y a des trucs là-dessus, c'est déjà développé quelque part, hein, Moi, il me semble que c'est vraiment Descola qui a accentué l'idée de totémisme sur un lien émotionnel à l'entité. Après, je sais pas trop, il doit sûrement y avoir des trucs dont j'ai pas connaissance. Ok. Deuxième question, accaparer la parole non plus, mais j'ai juste une question sur la question du complexe totémique. Tu vois, j'ai pas compris si l'idée de complexe totémique était liée au totémisme, fondamentalement, ou s'il pouvait y avoir des complexes d'autres éléments. Tu vois, le fait que. Un complexe animiste, par exemple. Par exemple, ou n'importe quoi, naturaliste, analogiste, en modèle d'esprit. Ah. Parce que tu vois, par exemple, ça me semblait que l'idée simplement que les gens n'avaient pas d'idée claire sur le statut, ouais. Ontologique fort, métaphysique fort des éléments, ça me semblait qu'on pouvait le trouver dans n'importe quelle culture populaire, où quelqu'un dit bah, j'ai pas conscience de, et toi tu dis ah, mais bon, si t'as utilisé le mot conscience, tu penses à quel type de conscience, est-ce que la conscience c'est pareil du corps? Enfin, tu vois, et une réaction lambda dirait bah, j'en sais rien, ouais. Et est-ce que du coup, complexe dans ce sens-là, c'est lié à totémisme? Ou c'est lié simplement au fait que la culture lambda. Non, t'as raison, c'est peut-être juste que ce que j'entendais par complexe, c'était une sorte d'épreuve, enfin tu vois ce que Boltonski appelle les épreuves, c'est-à-dire qu'à un moment on va devoir justifier ce qu'on dit, on est incertain, on rentre en relation avec quelqu'un d'autre, qui nous demande des preuves, et que c'est peut-être juste le champ social en effet qui est constitué d'épreuves, qui donne le champ à des complexes, ou ce que Boltonski appelle une pluralité de monde, enfin Boltonski était venu. C'est peut-être ça en effet ce que j'ai voulu cerner sur mon terrain par complexe, mais j'ai, en effet je il me semble maintenant que ça me paraît pertinent de pouvoir le faire dans n'importe quel champ social, une sorte de cartographie des hésitations, des oscillations et des passages entre plusieurs conceptions possibles et récurrentes, parce qu'en fait c'est quand même qu'on peut pas tout dire ou tout faire, il y a un certain nombre de schèmes dans lesquels on restreint les possibles de ce qui est dit et fait. Et ça donne naissance. En tout cas, c'est, le totémisme pourrait être un certain champ dans lequel on restreint ses hésitations. L'animisme serait un autre champ dans lequel on restreint ses hésitations. Mais ça serait intéressant de le faire avec d'autres justifications d'entités surnaturelles dans un complexe animique, enfin, dans une ontologie animiste. Qu'est-ce qu'on nous dit de ce que sont les entités surnaturelles? Et de faire une sorte de, peut-être, de cartographie. J'aimerais partir dans ma question de ce flou, ces hésitations, cette incertitude. Je ne peux pas bien cerner de quoi il était question dans ce flou, mais j'ai l'impression que c'est vraiment central. Et je me suis demandé, à cause de la question de Daphné, si ce n'était pas justement parce que il y a une sorte d'hésitation aussi dans votre approche entre les modèles plutôt cognitifs et les modèles plutôt émotifs. Et donc le modèle émotif, ça vient brouiller quelque chose. Si c'était purement cognitif, on aurait des répartitions de propriété un peu stable. Tandis que là, comme c'est des relations émotionnelles, c'est pas très bien ce qui se communique. D'ailleurs, on est un peu sur sa fin quant à ce que vous entendez par identification. De quoi s'agit-il ? D'une sorte de ressemblance, d'une communication d'espèce, hein, je suis un peu un ours, un peu un aigle, ou est-ce qu'il s'agit de plus, parce que vous avez bien différencié des identifications à une espèce ou à un individu, mais en quoi le serpent à deux têtes est vraiment unique ? Et qu'est-ce que c'est cette propriété unique qui peut-être se communique à quelqu'un, et en tout cas dans lequel il se reconnaît, je suis un peu le serpent à deux têtes ? Enfin, tout ça reste très flou, et peut-être que c'est le cas chez les Salish. Donc peut-être que cette multiplicité d'approches que vous nous avez proposées vise un peu à rendre compte de ce caractère un peu flou, bougeant, fluent, finalement, à la fois des entités et de ces rapports multiples à ces entités. Moi, j'avoue que c'est purement interprétatif et je n'ai rien pour le justifier. Je me suis demandé aussi si, en fait, toute cette population, à travers ses pratiques et représentations totémiques, ne se mettait pas à parler, en fait, la communication d'un héritage, avec les ancêtres, et justement un héritage suffisamment indifférencié pour pouvoir être extrêmement riche. Parce que dans la vie présente, courante, bon, il est nécessaire justement de distinguer, comme vous disiez, sinon ce serait le bazar, la gueule. Il est nécessaire de distinguer les choses. Mais pour avoir peut-être plus de ressources et plus d'énergie, et peut-être il est utile d'aller puiser dans des ressources, dans un héritage où il y a beaucoup d'indifférenciation et de transformation possible. Enfin, c'est juste une hypothèse interprétative qui m'est venue comme ça par association d'idées en vous écoutant. Donc les hésitations permettent justement de faire bouger les catégories, les cases, les rôles sociaux plus facilement. Et donc peut-être une possibilité de grande plasticité pour ces individus eux-mêmes, puisque finalement ils peuvent à la fois s'identifier à une classe d'individus, à leurs grands-parents, à un individu déterminé avec lequel ils se sentent d'une proximité émotionnelle. Enfin ça donne beaucoup de ressources, c'est extrêmement plastique. Donc ce ne serait pas seulement un complexe totémique, ce serait juste une manière de se positionner dans un champ social à travers différents types d'identités. Oui, ce qui fait que la dernière question que je me posais, puisque dans votre thèse, il y a tout un aspect d'études des thérapies, des Salish, je me demandais justement qu'en puisant dans ces ressources, à la fois cognitives et émotionnelles, très multiples et avec un univers suffisamment riche et indifférencié, est-ce qu'il n'y avait pas là aussi des ressources thérapeutiques considérables On ira juste chercher une histoire individuelle et éventuellement l'élargir à une histoire collective de 22 siècles. Donc là, on a un univers et une nature beaucoup plus riche et beaucoup plus plastique. Pour aller voir les éléments. En effet, dans ma thèse, j'accentue beaucoup le fait que la définition de soi passe beaucoup par l'identité totémique, ou enfin ce qu'on pense être la relation avec certains moments importants, clés du rituel de guérison thérapeutique, c'est en effet de reconstituer des liens pluriels à ces êtres pour pouvoir se transformer à l'intérieur d'un groupe social. Un certain nombre de relations avec des initiés plus élevés, moins élevés. Et donc, en effet, cette pluralité de liens possibles permet une certaine souplesse rituelle qui permet une transformation identitaire salutaire pour l'individu qui souffre, en tout cas dans ces rituels-là. Juste, tu es revenu à un moment, tu sais, en accentuant sur le statut du CON. Du CON. En disant que c'était quelque chose qui apparaît dans les années 40. Ouais, il y a des traces déjà de 1913 de ces danses d'hiver par Curtis. Okay. On sait que ça c'était là avant, mais les premières grandes monographies sont arrivées autour de 1940. Et du coup, c'est juste une question générale, est-ce que tu pourrais lier ça, enfin, est-ce qu'il y a déjà des essais pour lier ça à des contextes disons, politiques au sens très large, enfin, est-ce que c'est cette idée d'un modèle très impersonnel, non individualisé comme sur lequel tu as insisté, est-ce qu'on peut lier à des évolutions de déstructuration sociale. Mmh. Moi, il me semble que c'est tout à fait juste, hein, de dire que cette force impersonnelle est beaucoup plus proche d'un Dieu, du Saint-Esprit, qui, quand ça s'empare des apôtres, les fait trembler. En fait, sur la côte Salish, ce dont je n'ai pas parlé, qui est très important, c'est qu'il y a une nouvelle religion qui est née autour de 1891, qu'on appelle le shakerisme. C'est un Indien qui, tout d'un coup, le shakerisme, et qui est une religion qui est née d'un Indien qui s'appelle Slocum, qui a commencé à trembler, qui est mort, dont sa femme a commencé à trembler autour de lui, et il est ressuscité, et il a commencé lui-même à trembler autour des gens et commencé à les guérir. Et cette espèce, il était possédé par une sorte de force du Saint-Esprit, mais qui était aussi une force qui fait trembler, qui était très proche des entités surnaturelles qui faisaient trembler avant les individus lorsqu'ils les rencontraient. Et donc le pouvoir vient dans le tremblement, qu'une nouvelle religion autochtone assez importante au début du siècle dernier a pris place là, mais que pour que le shakerisme prenne place, comme ça a été un mélange du Saint-Esprit et dans les anciens rites autochtones, une sorte de syncrétisme avec le catholicisme naissant. Et en plus, on voit, j'ai lu certains témoignages où les gens disaient que la colombe qui représente le Saint-Esprit, en fait, c'est un petit hibou qui était une entité surnaturelle qui représentait l'âme sur la côte nord-ouest. Donc il y a beaucoup de syncrétismes qui sont nés avec la religion catholique, qui ont donné même une religion autochtone particulière. Et donc... Il y a un certain nombre de schèmes où cette idée qu'il y a une force plus impersonnelle, plus diffuse, qui vient remplacer l'ancien totémisme, est vient tout à fait de l'imprégnation chrétienne et catholique dans la région. Du coup, c'est dans ce contexte-là que le Télénor de Goa, c'est oublié le nom de personnage. Golden Weather, Hilltout. Ouais, se structure sur le modèle totémique sort d'un contexte forcément social, erratique, comme on disait tout à l'heure. Surtout individuel. Oui, en fait, c'est que les anthropologues qui ont confronté les données de terrain sur la côte nord-ouest à celles des Australiens se sont dit, bon, il y a bien des formes héraldiques, des grandes entités non humaines, naturelles qui sont là et qui servent de repères pour un certain nombre d'individus, mais ils ont dit, mais ça n'a rien à voir avec les classifications de type australienne, où c'est des groupes, des sous-groupes, etc., où c'est plutôt des gens qui sont vraiment une relation plus intime, plus individuelle, et donc il y a à la fois du collectif héraldique de type australien, et en même temps, il y a quelque chose de beaucoup plus individuel. Alors, la première réaction de Boas, ça a été de dire, non, ça veut dire que le totémisme, ça n'existe pas. Le totémisme, c'est un concept flou pour parler d'organisation sociale. Et Hilltout était un peu plus nuancé, il a dit, bon, il va peut-être falloir faire la différence entre deux types de totémisme. Un totémisme clanique qui est vraiment de type australien, qui se retrouve aussi sur la côte nord-ouest, mais un totémisme vraiment individuel. Hilltout de dire, oui, mais en fait, le totémisme individuel, c'est le vrai totémisme, c'est celui qui crée le totémisme clanique. C'était son premier geste. Jusqu'à ce que Lévi-Strauss arrive en 62 avec, comme on sait, le totémisme aujourd'hui, qu'il essaie de balayer ses anciennes questions. Ouais. Mais justement, pour revenir sur ça, ce que Hilltout appelle le vrai totémisme, c'est justement celui qui ne s'appelle pas totémisme. C'est du coup, chez les Américains, c'est le manino, quoi. C'est pas la catégorie qui vient de Autotéman, si j'ai bien compris. Il y a un truc un peu paradoxal, du fait qu'il rabat le vrai totémisme sur ce qui était considéré à la base par ceux qui en avaient fait une catégorie analytique comme un truc marginal. Non. Donc tu veux dire que le... Je sais pas, quand le Fraser il développe un petit peu la notion, il dit bon ben il y a une dimension sociologique avec le fait que les groupes s'appellent avec des noms d'animaux, et une dimension religieuse, et le registre, le totémisme, c'est l'association de ces deux registres. Mais il y a quand même des totémismes individuels. Et Lévi-Strauss, quand il reprend notre totémisme aujourd'hui, toutes les catégories, il y a un gros problème, c'est qu'à la base, Joe Long, il a confondu deux trucs, il a dit autotéman pour parler de Manino. Mm-hmm. Et donc, ce dont il parlait, c'était l'institution de l'esprit gardien, un totémisme individuel, et il en a parlé comme de quelque chose de clanique. Dans le totémisme aujourd'hui. Alors, c'est rigolo que Hilltout, c'est juste un commentaire, c'est rigolo que Hilltout, lui, renverse le truc et dise, en fait, le vrai totémisme originel, ce serait un totémisme individuel, et le totémisme clanique, ce serait un développement. Je ne suis pas sûr d'avoir. Mais j'ai l'impression que Hilltout dit la même chose que ce que tu veux essayer de dire avec les Algonquins. que le vrai totémisme, et on s'était trompé, que le vrai totémisme est plutôt individuel, j'ai l'impression que... Et il ne s'appelle pas totémisme, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a... que le mot totem n'est pas voilà, qui est utilisé. Ouais, d'accord. En fait, ce dont on parle, c'est pas totémisme, c'est le même ouais, ouais, d'accord, je vois. Ouais. On s'est fait fourvoyer au niveau des mots, quoi. Voilà, c'est juste la question de l'unité, quoi. Ouais. C'est-à-dire que dans quelle mesure il y a une unité entre le totémisme individuel ou le totémisme clanique, si dès la base, ils sont deux mondes différents. Et c'est ce que les distros aussi essaient de dissoudre avec l'illusion totémique, c'est qu'on a parlé de choses vachement différentes, qui en fait se ramènent à un principe de classification, mais on a parlé de tout un tas d'institutions différentes qui n'ont pas d'unité en tant que telle. Il n'y a pas plus d'unité entre le totémisme collectif et les manières de table qu'entre le totémisme individuel et le totémisme collectif. Quoi. L'unité artificielle, c'est ce que Boas, finalement, je ne savais pas que Boas avait dit aussi clairement. C'est un défi, ouais. Moi, j'abonde dans ce sens parce qu'il m'a semblé que, effectivement, quand on met l'accent sur le complexe affectif, forcément, on est dans ce totémisme individuel et on oublie le totémisme comme principe de catégorisation, c'est-à-dire dans l'approche cognitive. Alors, il faudrait peut-être se décider, sauf si les saliches sont justement la manifestation d'une sorte de syncrétisme où on va piocher un peu partout. Mais je serais évidemment de votre avis que c'est. Ça n'a l'air d'avoir rien à voir, hein, le totémisme individuel. En tout cas, on peut en goûter, je vais vous demander, en fait. Il y a quand même une relation à minima dans les deux cas avec une entité non humaine. Et c'est vrai qu'après, ça pose des questions difficiles. Est-ce qu'une relation avec une entité humaine morte est une forme de totémisme? Oui, ça pose des questions qui peuvent être... Parce que moi, ce que j'ai pu voir dans le témoignage, par exemple, c'est qu'une femme était reliée à une grand-mère, mais cette grand-mère... Enfin, c'est bien une relation d'abord primordiale avec une grand-mère, même si cette grand-mère a autre chose, est reliée, enfin une tradition reliée avec un aigle. Qu'est-ce qui va primer? Pourquoi je choisirais de dire que c'est en effet l'aigle, c'est une relation avec un aigle plutôt qu'avec une grand-mère? C'est difficile. Non, si on se met dans une perspective de l'échelle spatiale, on mettrait la grand-mère en relation avec toute la parenté, et les aigles avec plusieurs autres oiseaux, et on dirait que ce n'est pas une relation individuelle, hein, c'est en fait cette personne qui se situe dans l'univers à travers sa relation à sa grand-mère aigle. Bon, mais si on met l'accent sur le complexe affectif, alors on ne voit plus que cette manière dont quelqu'un effectivement éprouve des émotions en pensant à sa grand-mère morte. Je trouve que c'est vraiment deux approches différentes. Bon, je vais relire mais cela dit, il y a peut-être quelque chose comme un traitement de ce problème dans les formes élémentaires de la vie religieuse quand Durkheim aborde la question du totémisme, puisque justement, il reprend en fait le problème, enfin il me semble qu'il cite Il est que sur les cas australiens, Durkheim. Il est que sur les cas australiens, mais de toute façon, Durkheim dit, de toute façon, l'histoire de classification totémique, le fait que des groupes claniques se donne des noms d'animaux, ça ne m'intéresse pas, c'est la sociologie de la famille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sociologie religieuse. Donc, dès le départ, en fait, il prend qu'un aspect du problème, et il se base sur des arandas qui, justement, ont un totémisme. Enfin, c'est bizarre, les arandas, ils sont justement hyper problématiques, parce qu'ils ont un totémisme pas du tout clanique, complètement individuel. C'est-à-dire que l'identification totémique chez les arandas, elle est en fonction du lieu de naissance, du lieu de conception. De l'endroit de la géographie sacrée ou géographie mythique pardon où la femme a remarqué qu'elle était enceinte. On peut pas dire c'est un totémisme individuel non parce que ben justement il est pas du tout clanique en tout cas. Non, il est pas oui, enfin c'est-à-dire que il y a pas du tout de transmission c'est un totémisme héraldique dans le sens où c'est des groupes c'est des loges qui se réunissent autour d'emblèmes quoi. Mais la transmission n'est pas du tout patrilinéaire ou matrilinéaire, en fait, elle n'est pas transmise. Elle est transmise juste, l'identification n'est pas transmise. Elle est Oui, bien sûr, elle est refaite à chaque fois, à chaque essence. Et réactualisée à chaque fois. Donc, Durkheim, justement, pour le coup, on a du mal à faire le lien avec. Ouais, mais Durkheim, il dit quand même, et je crois d'ailleurs que c'est contre. Sans certitude, mais où il dit que justement le totémisme clanique est premier sur le totémisme individuel qui apparaît de façon secondaire, et où en fait d'une certaine manière, enfin, j'ai l'impression que la façon dont vous posez la question est subsumée chez Durkheim par le fait qu'il montre que le fait d'avoir un certain nombre de classifications fournies par le totémisme clanique dans lequel on s'inscrit, qui donne les concepts qui vont permettre de découper le monde social, les concepts qui vont être communs à l'ensemble de cette société, vont provoquer des représentations individuelles, donc en fait des émotions individuelles. Enfin, c'est vrai que c'est pas. Enfin, moi, je suis pas du tout spécialiste du totémisme, donc du coup, j'ai lu ces pages un peu rapidement, mais j'avais l'impression que lui, il disait que ce qui était individuel arrivait comme un espèce une décantation d'une pratique clanique et était complètement seconde. Ouais, mais alors c'est absolument pas le cas chez la Capéroès parce que c'est toujours premier la relation qu'on peut créer avec une entité surnaturelle, peu importe ce que le clan a choisi pour soi. Je voulais revenir sur la notion d'identification encore pour continuer le débat, en demandant sur quel genre de configuration pragmatique cette identification était fondée. J'ai l'impression que dans les différents totémismes que tu as distingués, il y a différentes manières de lier un groupe ou un individu avec une espèce ou un individu surnaturel, un animal ou une. C'est toujours un animal derrière, c'est pas une plante. Ça peut arriver qu'il y ait des plantes, mais j'en ai refaire. Mais pas seulement en termes de proximité ou d'investissement émotionnel, mais aussi de. Sur quel genre d'institution c'est basé ? C'est-à-dire que l'héraldique, le totémisme héraldique, c'est une forme de transmission. Alors, comment on décide, justement, si c'est cognatique, comment on décide si c'est au petit garçon ou à la petite fille ou auquel on va transmettre, et est-ce qu'il y a des conflits potentiellement d'héritage d'appartenance totémique ? Et dans les cas individuels, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûr que tu me dises, c'est basé sur certaines rencontres ou certaines expériences individuelles. Et là, je voulais savoir s'il y avait en fait un processus de validation ou d'invalidation des expériences de ces sujets qui se diraient « Alors moi, je suis un ours. » Ah non, pas du tout, non. Parce que ton expérience n'est pas valide. Et du coup, quels étaient les agents à travers lesquels cette identification se faisait. Donc, à mon avis, les agents qui sont comment on pourrait dire, ceux qui affirmeraient une entité totémique qui serait validée qui serait plus ou moins validée, ce seraient ceux qui ont le statut d'ancien, ceux qui sont reconnus par la communauté comme ayant une plus grande ostension de ces choses-là. Quand tu dis en effet qu'on ne reçoit pas une entité par filiation comme on peut le recevoir dans les écarts de vision, alors chez Salish, maintenant, c'est à mon avis complètement. Il n'y a plus de règles. Je veux dire, si tu sens par exemple que ton grand-père que tu aimes beaucoup est lié à l'oiseau tonnerre et que toi tu aimes beaucoup ton grand-père et que tu sens que tu vas faire des rêves sur l'oiseau tonnerre et tu vas commencer, on va dire bah oui, c'est normal, tu es lié à l'oiseau tonnerre. Il va y avoir une validation familiale ou du groupe dans lequel tu vas. Et peu importe que ce soit une fille, peu importe que ce soit un garçon, peu importe que ce soit le premier ou le dernier de la famille, ça va être un peu toi qui va en fait. Presque comme un totémisme individuel qui va chercher le totémisme clavique. Est-ce qu'il y a des conflits et des délégations ? C'est-à-dire, dans l'épreuve, j'ai bien aimé ton rapport de Tansky sur l'épreuve et la justification. Est-ce qu'il y a des échecs de ces épreuves d'identification ? Est-ce qu'il y a des gens qui revendiquent des choses et qui sont contredits ? Je pense en effet. Alors, moi, par exemple, sur les quêtes de vision, pour me taquiner, vous pouvez me dire non, mais toi, tu rencontreras qu'un écureuil. Tu peux pas. Enfin, tu vois. Et aussi parce que quand on est en forêt, je sais pas, parfois ça me faisait un peu flipper ces ours là partout. Je regardais pour voir s'il n'y avait pas trop d'ours. Et il me disait, toi, t'es un bear watcher, t'es allié avec les ours, je sais pas quoi. Enfin, il valide aussi avec humour et sans humour. Enfin, il y a aussi beaucoup de choses qui sont avec de l'humour ou pas d'humour. Et en fait, je crois que si j'avais envie de valider par exemple une entité totémique que j'avais rencontrée à force de quête de vision, je serais monté une fois, je serais monté deux fois dans la montagne, trois fois. Et au bout de quatre fois, je dis à l'ancien, tu sais, ça fait plusieurs fois que je rêve de l'aigle ou je sais pas. Il va y avoir un contexte pragmatique dans lequel il va écouter plusieurs fois ce que je vais dire et au bout d'un moment, il va tenter de me dire peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe là. Mais si je lui dis juste une fois, j'ai rencontré l'oiseau canadien. Enfin, à mon avis, il va y avoir un certain nombre de conditions. En effet, c'est très intéressant d'écouter bien ces conditions de validation pragmatique qui vont faire que l'entité va être plus ou moins validée. Et en plus, selon ma position, qui suis un blanc français, qu'est-ce qui va pouvoir être validé, qu'est-ce qui va pas pouvoir l'être. Donc, en effet, ça serait très intéressant de regarder ces conditions pragmatiques de validation. Et pour continuer, est-ce qu'il y a justement, ça, par rapport à l'écureuil, est-ce qu'il y a des personnes qui sont vraiment déçues par le totem auquel ils sont associés, ils s'attendaient en fait. Rencontrer des fumeurs. Il y a des totems qui arrivent un petit peu comme une vocation chamanique aussi, où on est reconnu par les esprits, et en fait, ça ne me dérange pas du tout. Est-ce qu'il y a des animaux auxquels on est associé, et ça ne nous arrange pas du tout, ça implique des choses qui ne nous arrangent pas du tout. Est-ce que t'as alors, ce que j'ai pu voir, c'est que des animaux qui, moi, pouvaient me paraître plus ou moins ridicules sont aimés, par, comme le moustique, par exemple. Il y a beaucoup de moustiques, près des lacs. Et il y a beaucoup de gens qui justifient des animaux en trouvant toujours un angle positif sur lequel ils peuvent être... oui, j'étais entouré de moustiques tout le temps, mais les moustiques, c'est bien, c'est des warriors, c'est des guerriers. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire, piquer, où il faut. Donc, on peut toujours... plus ou moins rendre son animal socialement valorisé. Mais l'enjeu, c'est quand même ça. C'est pas parce que c'est socialement valorisé que ça donne un avantage comparatif sur les autres. Il y a, en effet, il y a plus de gens qui sont amis avec l'ours et le bison qu'avec la crevette et la belette. Ça fait penser, aux fleuristes en Europe, enfin, ce mouvement. Tu le connais, comment tu appelles ça? Les furries. C'est ce mouvement de personnes qui s'identifient à des animaux, des animaux anthropomorphes, et qui se déguisent comme des animaux, c'est souvent des animaux à poils, ou à fourrure. Et le truc, c'est que le gros problème des furries, c'est que tout le monde va être un renard. Donc, il y a des mécanismes mis en place pour dire, bon, il y a des gens, c'est des renards, ils disent que c'est des renards, mais en fait, c'est des belettes, quoi. Et il faudrait qu'il y ait un contrôle, en gros, quoi. C'est pas lié au fétichisme sexuel aussi, des furries? Sans doute, je pense qu'il y aurait énormément de choses. Parce qu'il y a des histoires. C'est un problème, c'est une identification. Du coup, j'ai juste un pas dans. Pour rebondir sur ce que disait Grégory, j'ai mes 4 types d'identification. Tu le dis si je ne me trompe pas. Il y a vous avez l'héraldique dont on vient de parler, qui est assez clair. Il y a vous avez la vision rêve, rituel, dans lequel tu l'as décrit. En fait, tu as donné deux exemples qui sont assez à la fois intéressants, rigolos et en même temps un petit peu de ce cadre-là. C'était le cas de la ressemblance physique. Avec le vision, on n'en a pas parlé. Là, c'est pas exactement ni de la vision. Là, c'est pas non plus du. Tu disais, voilà, il était massif, quoi. Il y avait. Ouais, mais il a vu plusieurs fois en rêve le bison. D'accord. Enfin, il a créé un lien fort avec. Du coup, ça répond peut-être un peu aussi à la question de Grégory. Ça tombe bien, parce qu'en plus, dans son rêve, c'était le personnage qui correspondait à son physique. Est-ce que les autres, la manière dont les autres peuvent le voir, peut-être une sublimation de sa force physique qui peut être un obstacle aussi, parce qu'il était vraiment assez corpulent, qui peut être un obstacle social dans certains cas et qui peut se transformer en... Et du coup, j'en avais même un quatrième, celui que tu as décrit sur le modèle de l'oiseau tonnerre, au sens où là, c'était plus des modèles avec la mère, je crois, et la petite fille, où là, c'était plus des cas. Beaucoup plus circonscrit, avec des contextes de pratique. Donc en fait, ça fait 4 modèles d'identification qui se structurent peut-être un petit peu. Je sais pas. Tu as l'héraldique, vision, ressemblance physique, avec plus vision dans le cas dont tu parles, et participation. Oui, mais je pouvais pas différencier comme ça parce que l'héraldisme, ça peut se rencontrer en vision, c'est-à-dire qu'on peut vraiment recevoir les entités que nos grands ancêtres, nos grands-parents avaient. On peut vraiment. En fait, j'ai pas voulu dire, par exemple, vision. Enfin, tout peut se recevoir en vision, tout peut se rencontrer de manière ostensible dans la forêt. Je veux dire, si tu rencontres tout le temps, quand tu sors de chez toi dans ton jardin, un ours, le même ours qui revient, etc., c'est qu'il y a quelque chose, il y a une relation qui est en train de se créer quand même avec l'ours, même si elle est pas bienveillante au départ. Donc, que tu le rencontres en rêve ou dans la vie courante, j'ai l'impression que les anciens disent tout le temps qu'il faut faire attention aux signes des entités que tu rencontres. C'est pour ça que j'ai parlé plutôt d'un token. Qui peut se rencontrer soit en rêve, soit dans la vie réelle, mais ce token, cette occurrence, elle représente un signe de quelque chose de plus qui est sur l'esprit. Des changements radicaux, j'ai pas pu en voir, ça a peut-être existé. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir, par exemple, pas être lié fondamentalement à l'ours ou au bison et puis être très ami avec les aigles. Par exemple, un rapport de filiation fort avec un ours, puis avoir des alliés. Non, j'ai pas vu ça. Est-ce que tu peux revenir sur les cours d'Indigenous Studies, enfin, je ne sais pas si j'ai bien noté. C'est étrange, enfin, on n'est pas habitué à ça en France, mais c'est des cours sur les pratiques autochtones. Et moi j'étais assez frappé, hein. C'est vrai que je suis absolument pas habitué, mais il y a vraiment une rentabilité du mode d'être autochtone pour le mode de vie occidental, pour le mode de vie capitaliste nord-américain. Les pratiques autochtones c'était comme des, comment on appelle ça, c'était des ethno-entrepreneuriat avant l'heure qu'on va faire rentrer dans, on va tout lire à l'homme de l'entrepreneuriat, par exemple. Devenir un bon leader du développement personnel. Comment devenir un bon leader? Regardez ce que sont les anciens. Ce sont des bons leaders qui vont nous apprendre à le leadership. Et donc, c'est un discours aussi, c'est des workshops. Par exemple, on nous faisait mettre 4 par 4 dans des ateliers qu'on appelle des workshops en disant alors toi, quel est l'ancien qui te marque? Quelle est la personnalité qui te marque? À laquelle tu dois faire. Tu vois, tu dois penser à quelqu'un qui te fait vraiment du bien. Quand tu le regardes, tu as envie de devenir comme lui. Alors, quel est l'ancien? Pourquoi tu penses qu'il a ça, c'est ça qui te plaît? Quelles sont les qualités de leadership que tu peux dégager de la manière dont il est? Enfin, tu vois, plein de petits ateliers de travail comme ça. Et systématiquement indien, enfin, systématiquement au niveau local, ou ça a une résonance, du Canada, mais. Enfin, tu vois, est-ce que ça rentre dans des institutions, soit universitaires, enfin, soit. Oui, c'est l'université, ça. Ok. Ça, c'était dans les cours à l'université. T'as joué avec les Inuits aussi, non? Ouais. Avec les Inuits? Ce que tu décris, est-ce que c'est le cœur des Indigenous Studies ou c'est quelque chose qui est périphérique? Non, en fait, il y a beaucoup de choses très différentes dans les Indigenous Studies, tu peux aussi très bien apprendre des cours de langue locale, très très poussées, avec une grosse base de grammaire, enfin, des choses très très sérieuses. Enfin, qu'on considérait comme plus sérieuses que des workshops sur le leadership. Mais c'est des cours qui sont en nom, c'est pas le cœur. Et institutionnellement, enfin, c'est une question un peu connexe, mais c'est pas lié au fait que ces branches-là, d'être culturelles, entre guillemets, ont dû financer, faire appel à des justifications du point de vue du management pour arriver à survivre aussi. Tu veux dire que, oui, que comme il y a tellement une domination des descendants des colons euro-américains, du capitalisme, des blancs, etc., ce qu'on appelle les blancs en général là-bas, qu'ils ont eu besoin de justifier les minorités, les pratiques culturelles minoritaires en les faisant rentrer dans le système des blancs, c'est ça? Oui, oui, bah c'est clair. Ça me... Bah, il est 7h, donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci.